j'étais témoin de Jéhovah. Tu as bien fait de témoigner, mais j'aurais voulu que tu sois enfant de Dieu. Que le Seigneur te bénisse. Vraiment, frère, je viens vraiment. Il y a beaucoup de choses qui me trouvent. Qu'est-ce qui te trouve? La voie spirituelle, comment? Parce que, quand j'ai écouté la parole vraiment de Dieu, avant d'abord, j'étais d'abord catholique et catholique. La manière de faire, ce qui m'a même franchement fait quitter là-bas. Chaque temps qu'on arrive dans un enveloppe, il faudrait qu'on vienne l'argent pour faire ceci, pour aider l'église. Bon, et moi ici, j'ai parti ça avec. Moi, je dis que non, c'est pour construire la maison de Dieu. Quand on construit la maison de Dieu comme ça, Dieu te remercie, en te donnant un peu les bonnes choses. Bon, en allant sur pied un jour, je m'en vais encore à l'église. Je comprends seulement le fait que on vous remercie pour l'argent que vous avez donné. Ça a permis. Le prêtre Jean nous a d'acheter un congélateur. Non, mais les gens ne le boivent pas nos glaces. J'ai venu donner pour ça, mais dit que c'est pour l'église, alors que c'est pas acheter un congélateur. C'est vis-à-vis que je fais, je vois que non, ce n'est pas clair là-bas. Et là que j'ai rencontré mon petit m'amène, on était maintenant chez les témoins. Et j'arrive maintenant encore chez les témoins. J'ai voulu qu'il me fasse baptiser, mais quelque chose. Bonjour. Anthony. Ça ne donne pas quoi. J'ai voulu me baptiser, ça ne donne pas. Bon. Mais ça n'allait pas avec moi. Et toutes choses que je faisais, ça ne donnait pas. Toutes choses que je faisais, ça ne donnait pas. Et question pour ma part de vue des choses. Lui, comme on peut dire. Parle, où est-ce que je fais un peu qu'on parle, d'accord? Quand je peux lire là, quand je peux prendre quelque chose pour dire qu'il veut comment. C'est le sommeil que tu vas entendre, c'est le bâillement que tu vas entendre. Et des fois, il y a des mal de tête, je n'arrive pas à lire, je ne connais pas. Mais quand il reste tranquille, tout ça va. Mais quand je veux lire, je ne lis pas, je veux. Donc, moi, tu as bien ça doit là. Oui. À quel niveau? Je suis là avec Carrefour Pamplemousse. Carrefour Pamplemousse, tu as entendu parler de ça? C'est pas bien. Ok. C'est sans maître de Bois-David. Oui. Donc, il te faut la prière. Il te faut la prière, d'accord? Nous sommes quand? Nous sommes lundi. Que tout ça s'arrête, d'accord? Est-ce qu'il y a des choses dans ton ventre là qui marchent? D'accord. Comment tu fais encore comme ça, comme les magasins? Tu es dépassé. Parce qu'effectivement, comme il y a le temps que de parler, il y a parfois, lorsque j'étudiais avec elle, à chaque fois, c'était quelque chose. Parce qu'après un temps, moi-même, je m'avais le recueilli, je connais, il y a des choses qui ne vont pas chez elle. Quand on ouvre la Bible pour étudier, c'est le sommeil. Quand tu le causes même de la Bible, c'est le sommeil. 5 minutes après, c'est le sommeil. Elle me dit qu'elle est après, c'est marre. Elle me reste comme ça. Après la conversation, oui. Après sa conversation, elle est à l'aise. Si j'arrête là, c'est fini. Si j'avais le recul, surtout quand j'ai suivi cette enseignée, j'ai senti que non, quelque chose ne va pas avec ma soeur. Qu'est-ce qui se passe avec elle que c'est le sommeil à chaque fois, c'est le sommeil. Et parfois même, elle vient de dormir. Donc c'était ça. C'est où j'ai dit que ok, comme tu vois là, j'ai rendu avec le frère, il faudrait qu'on puisse venir ensemble. Oui, parce que franchement, ça c'était gros. Et le problème surtout avec mes petits, c'est que elle, ce qui m'a beaucoup fait le souci, c'est qu'à l'école est tombée. Elle est faite pour être tombée. Elle s'est évanouie. Oui, elle s'est évanouie. Non, des fois, c'est pour le voir. Quand elle tombe, on m'appelle. Il vient à l'école de la porte. Et quand elle l'emmène à la maison, elle commence à parler. Elle a vu le grand-père. Elle a vu le grand-père. Il faut la délivrance. Tu as failli la faire qu'elle soit trop morte, ça termine le jour. Ça, c'était avec le travail que je faisais là-bas. Parce que vraiment, c'était pas. En fait, comment c'est pas la magie, quand tu le vois encore comme si ils sont possédés. Et c'est sûr, quand tu le vois, chacun parle, ça ne va pas le démon sur lui comme ça. Ça c'est vrai. Et souvent, quand on peut parler, on peut trouver la solution. parce qu'il ne croit pas au miracle. Effectivement. Et c'est le même problème que j'ai eu. Comme je parlais de mon histoire des TG là-bas. Il y a un moment quand j'ai fréquenté les TG, parce que je suis sorti là-bas pour passer communication. Et avant de sortir par communication, j'ai commis ce qu'on appelle les fautes graves. J'avais eu à user d'une dame. Bref, de près de plusieurs personnes. Excuse-moi, je peux me coucher. Mais couche-toi rien, parce que c'est ton lit, non? Tu as causé avec le frère Marcelin. Oui. Il a appelé déjà là-bas. Oui, il a déjà. Ok. Mais hormis de cela, moi, de mon côté, quand je faisais un peu le feedback de ça, je passais un peu le fil de ça. Je sentais que, hormis de l'abusement que j'étais en train de faire, il y avait quelque chose qui se passait. Parce que tu te sens dans une situation, tu sens comme si c'était un banc qui te presse d'aller agir sur quelque chose. Tu agis poussé par quelque chose. Voilà, poussé par quelque chose. Mais il doit comprendre ça. Voilà, et à la fin, donc, je dis, mais pourquoi j'ai fait telle chose. Et à chaque fois, j'entrais dans les pareilles situations, et à la fin, je regrettais. C'est lorsque j'appelle celui qui avait conduit mon étude, qui m'avait mené mon baptême, je l'explique la situation dans laquelle je suis. Puisqu'il n'était plus dans la même congrégation, il m'a dit que je m'en vais voir mes anciens, je les explique. Or, je m'en vais voir mes anciens, je les explique. Ils ont beaucoup plus regardé la chose sur le plan physique. Est-ce qu'ils doivent voir ce plan spirituel avant? Et c'est comme ça qu'ils ont réglé la chose physiquement, comme ça. Bien quand je sors même, il dit que je ne sais pas, je vais. Ça ne va pas changer. Lui, il n'y a pas de changement. Jusque là, il est toujours pressé. Je dis, je vais faire comment? Je prends des. Je m'en vais dans la roche de CD homme. Je fouille même pour céder. J'essaie même de faire. Je m'en vais même sur le net. J'essaie même de taper pour céder, c'est de voir ce qu'il peut faire. Jusque là, je ne vois rien. Je ne vois rien. Mais ce qui m'a beaucoup plus, c'est que moi, j'ai eu entre temps même Dieu qui a fait une belle. Toujours pas les fautes. À chaque fois, il m'en veut, il tombe dans les situations. Je suis allé là-bas. C'est là-bas que, puisqu'elle a mis belle, il y a les prisonniers qui viennent prêcher dans les cellules. Ils parlaient de Jésus dans les cellules. C'est où j'entends un Jésus, un autre genre de Jésus que je n'ai jamais entendu. Raconte-moi tout dans le détail. C'est-à-dire que je suis dans ma cellule, je suis couché. Le moment, je devais sortir, puisqu'il y a ça devant là-bas aussi. Je m'apprête à sortir pour aller à la salle. À Nubel, là, toujours. Oui, il y a la salle. Je m'apprête à sortir pour aller à la salle. Bon, il y a les prisonniers qui viennent pour prier. Or, quand ils entrent, on ne peut plus sortir. Ils entrent donc, je suis dans ma cellule, couché sous mon lit. Ils commencent à parler. Et les gars prêchaient sur Jésus, où Jésus est parti libérer l'homme impie, qu'il a enlevé les mauvais esprits qui s'appelaient Légion. C'est où le gars qui prêchait. Il parlait de la possession, le monsieur qui agissait. Alors, comme tu as lu ça avec moi. Oui, je suis couché. Je ne voulais même pas entendre d'abord. Oui, je ne voulais même pas entendre. Je suis couché, je ferme les yeux, je veux dormir. Il parle, tellement il parle, ça ne peut qu'ancrer dans mes oreilles. Ça ne peut qu'ancrer. Quand il finit, ma tête dit que, mais comment tout un nombre de personnes peut ancrer dans un homme? Ça se passe comment? Voilà, 6000 personnes dans un être humain. Ça se passe comment? Qu'est-ce qui ne va pas? C'est comme ça que, entre temps, chance pour moi, la peine qu'on m'a donnée, ce n'était pas une peine lourde. J'ai fait 4 mois. Je sors. Jusque-là, ça me tourne la tête. Quand je sors donc, le jour où je sors, il y a assemblée. Je suis allé à l'assemblée. Quand il m'envoie à l'assemblée, tous les frères me voyaient, mais personne ne savait. Je suis quand même à l'assemblée, je rentre de l'assemblée, je me pose la question. Mais comment on peut? Puisque déjà pour nous, l'âme c'est la personne elle-même. L'esprit c'est un souffle. Tu vas expliquer que ton âme est possible. Oui, effectivement. Je m'en vais à la salle de Rome. Je rentre un soir. Je ne sais pas ce qui m'amène. Je prends la Bible. J'ouvre la Bible, Genèse, l'esprit me dit, va dans Genèse 1:26. Je m'en vais dans Genèse 1:26. J'ouvre. C'est au moment où la question commence à me prendre pour un fou. J'ai lu, Dieu créa l'homme et la terre. Et dit comment est l'homme. L'homme est esprit. C'est que l'être humain est comment. C'est qu'il est aussi esprit. Oh, c'est physique. Non, c'est physique. Tu m'en veux maintenant dans Genèse 2, 7 où on crée l'homme avec la poussière. C'est une mer. Donc en même temps physique, en même temps spirituel. Voilà. Ça va comprendre que le témoin de l'autre là, tu en dis. Non, là, il y a quelque chose qui s'est passé. C'est que quand j'ai compris ça, je ne sais pas ce qui s'est passé. Je me suis retrouvé dans le texte de 1 Thessaloniciens 5:23. Que tout votre être spécialement dire quoi, je suis juste voilà. Seigneur. Je dis, mais ça, c'est quoi ça? Mais toi, quand tu étais témoin de Jéhovah, tu marchais, tu prêchais ça aux gens, non? Là, tu mets Dieu, et là, que c'est l'être semblable, l'être. Exactement. Mais tout ce verset-là, ça ne te faisait rien. Rien du tout. Rien du tout. Quand j'ai lu ça, tu as dit, wonderful. Je prends le téléphone, le WhatsApp, j'appelle mon aîné, puisque mon aîné. Il est en Allemagne. Il était dans le mouvement pentecôtiste. Je lui dis, grand frère, il y a quelque chose qui ne va pas. Il dit quoi? Je lui dis que j'ai un problème avec ma foi. Il me dit que gloire sera Dieu à Jésus-Christ. Quand il me répond, gloire sera Dieu à Jésus-Christ, le Dieu tout-puissant. Quand il voit le Dieu tout-puissant, il dit que celui-ci les veut armer depuis moi. Ah, je le fils de Dieu. Il dit que non, celui-ci les armes de tout. J'ai coupé la conversation. Je reste tranquille. Et quelques temps plus tard, j'ai dit, mais pourquoi vous savez que j'étais le Dieu? Oui, non, il savait. J'ai dit, mais pourquoi le grand fait dit que Jésus est le Dieu tout-puissant? Tu vois là, quand tu peux encocher ça dans la Bible. Je regarde dans la Bible. Mais jusqu'à là, ça ne donne pas. J'essaye de voir toutes les combinaisons, je ne trouve rien. Quand tu te fais une époque, je ne comprends pas. Et quelques temps après, ce qui se passe maintenant, c'est que déjà, j'ai une pleine conviction que l'être humain n'est pas. Cher seulement. Puis du moment où ça a commencé, mais j'ai commencé à les faire part de ça. Ma petite a dit que, mais Christian, au fini, tu es en train de raconter quoi? Tu sais, c'est que ouais, c'est réellement la vie. Je dis que vous laissez ça, dis donc. Et je ne sais pas, j'ai voulu prendre. À ce moment-là, je n'avais plus du tout la force d'aller à la salle. Donc ça quelque chose de bloqué il y avait. Exactement. C'est comme s'il y avait un mur devant moi. Il y a un dégoût. Voilà, il y a un dégoût tiré. Je veux partir, il n'arrive pas. J'ai resté éduqué. En temps, tes amis portent la cravate, ils sont frères, ils partent. Je dis que c'est même bien comme monsieur Amadan. Là aussi. Quand j'ai commencé à parler autre doctrine que vous y comprenez, elle me dit que Christian, je dis, tu penses même que Jéhovah c'est le nom de Dieu. Et nous, on a posé la question comme ça. Là, voilà. Qu'est-ce que tu as fait pour penser comme ça? Ça devient intéressant maintenant, mais ok. Qu'est-ce que tu as fait pour poser la question comme ça? Je pense que je veux voir le nom de Dieu. Nom de Dieu. Pourquoi? Ce qui m'avait fait poser la question comme ça, est-ce que vraiment Jéhovah, là, c'est le nom de Dieu? Parce que quoi? Quand moi, je parlais, mon petit frère, c'est celui qui est là-bas, c'est lui-même qui me suit avant que c'est celui qui est en Allemagne, là. Quand je parlais, on causait, on parlait question de la parole de Dieu, il dit que non, pas la grâce de Jéhovah, ça va. Il dit que non, on ne dit plus ça. Il dit, mais on ne dit plus ça, comment? Il dit que c'est que ou que Dieu, c'est Jéhovah. Non, il dit que pas la grâce de Dieu, il dit, ou pas la grâce de Dieu, c'est tout. C'est là qu'il dit que, mais qu'est-ce qui me va me payer? Et en plus, ce qui m'avait fait demander ça à Christian, est-ce que tu es sûr que vraiment Jéhovah là est le nom de Dieu là? C'est parce que il y a une soeur, un témoin de Jéhovah, qui est une témoin là. Elle est venue, elle est venue souvent faire mon métier à la maison. Nous étudions à la maison. Elle dit que mais le nom de Jéhovah là, Dieu, il a révélé le nom là, qui me dit qu'à Moïse. Mais tu demandes qui a révélé le nom de Jéhovah. Oui. C'est celui qui venait, le premier jour qui venait te faire étudier. Oui. Il me dit que c'est Moïse. Il dit que Dieu a révélé son nom à Moïse. Révélé le nom à Moïse, oui. Et son nom signifie quoi? Elle me dit que le nom de Jéhovah signifie qu'il fait des bénis. C'est celui qui fait bénis. Il dit que non. Donc il a eu seulement révélé à Moïse, il n'a pas révélé à d'autres prophètes. Elle me dit que oui, c'est rien que Moïse que Dieu va lui révéler. Ça ne donne pas ça dans ton cas. Là, j'ai pas dans ma tête. Moi, j'étudie même avec vous là. Jusqu'à là, ça ne donne pas en moi. Je vous m'en parle. Elle me dit que non, pourquoi il faut te baptiser, tu vas comprendre. Je vais. Il dit que non. Donc il faut te baptiser chez toi, mais j'ai un peu bien compris. Non, elle me dit comme là, pour ça, il faut progresser. Il faut progresser dans la lecture, dans les études, les études bien même. Mmh. Avant que maintenant, soit je me marie avec le père des enfants, si, mmh. ou soit je me sépare avec lui. Mmh. Avant que le temps, je peux passer par le corps ministère, après le corps ministère de ceux, après maintenant, avant qu'on accorde si je peux me baptiser. Donc, allons à la base. Donc, mmh. tu as été témoin de Jéhovah, toi. Mmh. Toi, tu as été témoin de Jéhovah. Non, moi, je ne me suis pas baptisé. Okay, ok, quand tu as été baptisé, confirmé, moi. Confesser tout. Toi, tu étudiais seulement. Oui. Tu partais de temps en temps. Oui. C'est grâce à moi qu'elle étudiait. Mmh, donc tu l'as viré un peu là-bas. Oui. Mmh. Entre temps, donc, je sors. Donc. Oui. Et puisque elle continue dans l'étude. Oui. Oui, je sors. Mais toi, particulièrement, étant chez le témoin, tu savais que tu avais un problème d'ordre spirituel. Je savais qu'il y avait un sérieux problème. Et qu'il y avait le démon qui te dérangeait. Effectivement. Mais l'enseignement des témoins de Jéhovah dit qu'il n'y a pas de démon, qu'il n'y a même pas la puissance là-bas. Non, non. Et dans ta quête de la vérité, le Saint-Esprit t'est fait sortir de là-bas. Exactement, c'est ça. Ok, avançons. Et donc, toi, sa grâce, tu poses la question sur Jéhovah. Ça commence à te faire. La chose qu'il a, c'est que ce qu'il a fait poser effectivement cette question-là. Oui. C'est que lorsque je sors donc, c'est où je ne sais pas ce qui s'est passé, puisque on nous interdit d'aller dans les sites autres. Oui. Que les sites de aller dans les autres sites. Oui. Selon toi, avant d'avancer, selon toi, pourquoi il vous interdit de suivre autre chose? Parce que vous, on vous dit effectivement que quand vous allez chez les gens, donnez-leur un bouchon, ça vous donne un peu quoi refuser. Même si vous ne les jetez pas la suite. Mm-hmm. Et quand tu prends, tu dis, je veux lire, tu dis merci, tu jettes. N'est-ce pas? C'est pas l'hypocrisie, ça? Non, c'est d'une part, c'est l'hypocrisie. Parce que tu reçois quelque chose, on reçoit, tu donnes ton réveil, on prend, on lit. Mais quand tu donnes quelque chose, tu prends, on dit, on vous interdit de lire. Parce que c'est la même chose qui m'arrive chez ta soeur, c'est que je lui ma baresse, la ancienne baresse, Anne. Mm-hmm. Comme elle est témoin, je vois. Il y a des gens qui étaient dans, qui parlaient de Jésus. Mm-hmm. Ils sont arrivés, et tant que partager le cas, ils m'ont donné le cas, j'ai pris. Puis elle. Comment elle connaissait que j'avais le témoin de Jéhovah là, mm-hmm. elle m'a posté coup. Mm-hmm. Bon. Voilà, alors quand les gens sont venus vers moi, j'ai pris dans le crâne. Elle, quand on la donne le crâne, elle dit non, elle ne prend pas. Mais j'ai dit que, hé, je lui pose la question, elle dit que tu ne prends pas le crâne, pourquoi? Elle dit que non, ce sont les apostats. Oui, j'ai dit que, mais tiens, 6 heures, tu es déjà là-bas en route, tu partages alors tes craques pour comprendre, elle dit oui. Mais pourquoi donc une messie, il ne veut pas en sorte que vous prenez. Elle dit que non, ça sort de l'hierarchie. On décide en principe, c'est ça? Oui. Ok, donc on était avec toi, on vous interdit d'aller dans d'autres sites. Mais qu'est-ce que tu as fait pour donc dans cette désobéissance à aller dans, je ne sais pas, autant on te dit c'est pas dedans, c'est que lorsque je suis qu'il est comme ça, mm-hmm. l'homme n'est pas seulement l'âme comme on définissait. Oui. Et je voulais maintenant savoir pourquoi est-ce que même d'ailleurs, mm-hmm. La possession, c'est surtout au niveau de la possession, que quand il m'en vient maintenant, je regarde. Oui. J'ai dit, mais ça se passe même comment au niveau de la possession. Oui. Et entre temps donc, j'ai dit, mais en passant même aussi, concernant les doctrines de l'organisation. Oui. Que ce soit le net, même sur YouTube, quand tu tapes tes mots, je vois c'est ça tout ce qui sort. Mm-hmm. C'est comme ça que je m'en vais dans d'autres sites. Mm-hmm. Je regarde d'autres sites et je vois l'analyse que d'autres personnes font. Mm-hmm. C'est d'où alors je comprends qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Mm-hmm. Et tu comprends non, pourquoi on vous interdit d'aller quelque part? Effectivement, mm-hmm. je comprends pourquoi on interdit d'aller quelque part. Mm-hmm. Et lorsqu'elle avait posé la question par rapport au nom, mm-hmm. c'est quand je rentre et dis que tu sais quoi. Les gars des États-Unis là, ce sont les francs-maçons. Mm-hmm. Elle dit que hey, francs-maçons, comment? Elle dit qu'il y a des hommes et francs-maçons. Mm-hmm. Donc dans ta recherche, tu as découvert donc, que les gens qui le sont à la base des témoins de Jéhovah sont des francs-maçons. Sont des francs-maçons. Mm-hmm. C'est quoi, mais dis mais bon, Christian, si elle a expliqué bon nombre de choses, elle dit que Christian, tu penses que le nom de Jéhovah là, c'est même le nom de Jéhovah, c'est comment? Mm-hmm. Il dit que dans les. Moi c'est mon voir, mais il semble que c'est même pas son nom. Mm-hmm. Ça n'a pas fait 2 jours. Mmh. J'étais avec le frère Christian, le frère Paul. Mmh. Il s'est marié récemment avec la sœur Anne. Mmh. Le frère Paul me donne l'enseignement. Il me dit qu'il y a un frère ici qui a décortiqué le nom sur Jouvent là. Mmh. Je dis que mets ça dans mon portable aussi, vous aussi allez suivre. Mmh. Je prends, je m'en vais à la maison. Ça, c'est l'enseignement que j'ai fait sur Jouvent. Oui. Attention chrétien, je vais le voir. Oui. Oui. Je prends, je m'en vais à la maison. Oui. Je suis. Elle sert de travail. Quand je suivais, je ne sais pas. C'est-à-dire, la décortication que j'ai eue là-bas, oui, c'était suffisant. J'ai dit, Nadine, tu comprends ce qu'on t'a fait d'ici. Elle dit que oh, oh, Christian est mort. Elle dit que Christian est mort. J'ai dit que laisse le monde, on va faire comment. Elle dit que bon, tous les gens là comme ça là. Ils sont dans le feu. C'est comment. J'ai dit que Nadine, ils ne savent pas, on va faire comment lui. Et puisque nous, on parle comme ça, il y a notre grand soeur aussi. Notre grand soeur. Elle aussi dedans. Elle dit que c'est mon petit qui l'a amené. C'est toi qui l'a amené. Oui. Et même, tu crois elle est baptisée même. Elle était d'abord dans l'étude de gospel. Full gospel. Tu es venu à sortir la balle. Oui, oui. Au moins, c'est là. J'ai quand même dit qu'on a quand même fait un bon travail parce que dans full gospel, c'était grave. La Jim l'a tué, c'est moi avant. Donc tu l'as sorti de la prison. Oui, oui, oui. Là, c'est mieux quand même. De toute façon, on parle de tout. Parce qu'elle portait tout son argent, c'est même pas tes versets que la mort. C'était nerveux. Oui, elle était comme une folle même. Elle est où maintenant? Elle est là chez elle. Elle est parlée chez Témoin de Jéhovah. Elle est pas chez Témoin de Jéhovah. Mais tu n'es pas allé là où il expliquait la vérité encore. Elle ne parle pas. On a dit qu'on a fait un constat. Ok, donc avançons dans ta. Donc, comment tu as fait pour sortir maintenant? Donc, quand vous écoutez, donc, attention, Témoin de Jéhovah, ça se trouve sur Bamba Iba, là, site Bamba Iba. Oui, non, mais j'ai pris ça que je fais et il m'a donné ça dans le support. Mm-hmm. Quand j'ai suivi, j'ai suivi l'enseignement, il m'a dit que merde, qu'est-ce qui ne va pas. Ce soir-là, je suis tombé à terre, j'ai pleuré parce que je ne savais, je sais pas, je me dis, mais depuis des années que je suis là-bas dedans, pourquoi est-ce que Dieu m'a permis d'aller perdre tout mon temps dans les prédications, donc ça veut dire que c'était zéro. Tous les discours qu'elle faisait zéro. Ah, tu présentais quand même un discours devant les gens. Oui. Étant possédé. Tout ça, zéro. Qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi? Je veux me lever pour partir. J'ai mis plus la force de partir. J'ai posé la question à savoir que, mais pourquoi est-ce qu'il m'a laissé aller là-bas? Pourquoi il m'a laissé aller là-bas? Tout ça, entre nous, même les membres de ta famille. Pourquoi? Entre temps, donc. J'ai étudié, j'ai repris d'autres enseignements que j'ai suivi. J'ai seulement compris que il faut seulement recommencer tout à zéro, c'est-à-dire seulement suivre maintenant encore les nouveaux enseignements que je comprenais. Et c'est en ce moment là donc chance pour moi, c'était que quand je suis sorti, j'ai cru que Christ est le même partout. Je suis allé dans un milieu pentecôtiste. Tu entends encore une chose là-bas, une version. Je suis allé là-bas. Lorsque je m'en vais là-bas, la manière que le monsieur vraiment faisait tomber les gens, j'ai dit, hey, ça c'est quoi encore? Que tu es encore arrivé où là? Je suis arrivé où? Je suis sorti. Le soir, je suis allé faire ma prière. Je dis, moi, parce qu'en ce moment-là, maintenant, quelqu'un faisait la prière, mais pour moi, tout le monde va. Tu évitais, je vois la distance. Oui, j'évitais. Même comme je disais Jésus, je ne sais pas si c'était Jésus le Père que je parlais, Jésus le Fils, Jésus cet esprit que je parlais. Mais je parlais quand même, je mettais quand même Jésus dans le nom. C'est lui. Quand il m'a dit que, tu sais, il m'a dit que Père, puisqu'il y a tellement de choses ici dehors, tant pis pour moi si tu ne fais pas que je puisse te rencontrer. Là, même si je suis devant toi, il dit que tu ne m'as pas permis de te rencontrer, c'est vrai, quitte. C'est comme ça que j'ai fait ma prière. Et il y a une semaine où le monsieur pentecôtiste, le pasteur principal de Visa, a invité monsieur Venant de l'Est de l'Afrique du Sud. Il est venu de l'Afrique du Sud, c'est Archibishop qui est comme ça. Il est venu, il a prêché, il dit, Abraham, nous sommes héritiers d'Abraham. Et comme nous sommes héritiers, on doit mériter la richesse de la terre. Les dernières voitures, là, c'est le chrétien qui doit posséder tout ça. C'est sa prédication, j'ai enregistré. Et le soir, j'appelle mon aîné, il m'appelle, il me dit, Christian, c'est comment? Il dit que non, on a fait un séminaire chez nous, et puis voilà que... le pasteur est venu de l'Afrique du Sud de prêcher. Il dit qu'il disait quoi? Oui, voilà. Je lui ai fait le rapport. Il dit, oh Christian, donc, c'est l'évangile de la prospérité. Sors de là. C'est satanique. Il dit que, oh, ça c'est encore quoi? L'évangile de la prospérité, c'est encore quoi? Il y a même plusieurs évangiles. C'est lui, je lui ai parlé, il a dit que non, petit, tu es nouveau dans la foi, tu ne peux pas comprendre. Je lui ai dit que merde, ça c'est quoi ça? Je reste aussi tranquille. Je sais que c'est où je quitte là, je ne peux à la Mecque. Oui. Je m'en vais à la Mecque de Bali. La Mecque, c'est une association, association de quoi c'est mission évangélique du Cameroun. Du Cameroun, oui. Oui, de Bali. Je m'en vais à la Mecque. Parce que quand je dis la Mecque, on peut croire que c'est la Mecque des musulmans. Non. Je m'en vais donc là-bas. je percevais là-bas. Entre temps donc, parce que ce qui m'avait même choqué chez le pasteur Patekotis là, oui. C'est qu'il a tenu un propos, ça cognait dans mon cœur, c'est comme c'était le manteau. Il dit que Dieu a créé le monde. Oui. Et après, quand il y a eu le désordre avec à l'époque de Noé, il a voulu recommencer une nouvelle création avec Noé. Il dit, et Dieu a échoué. Il dit que Dieu a échoué. Il dit Dieu a échoué. Ça t'a choqué. Donc c'est-à-dire que Dieu a voulu rendre l'humanité encore parfaite en partie de Noé. Il dit Dieu a échoué. De merde. Dieu échoue. Ça t'a choqué. Ça. Et il dit, non seulement, mais c'est là qu'il va nous dire que Dieu va nous choquer. Et ça m'a vraiment choqué. Celui dit que non, ça, je suis parti à la Mecque. Tu as trouvé Dieu à la Mecque. Oui, j'ai allé à la Mecque. J'ai persévéré à la Mecque. Entre temps donc. Qui t'a indiqué d'aller là-bas? Toi tu cherchais seul? Je cherchais seul. C'est qu'il y a sa camarade qui est à la Mecque. C'est elle donc, c'est à travers elle que je m'en vais donc à la Mecque. Oui. Et en dedans, tu as fini avec Jéhovah. Non, j'ai dit. Et comment ça va sur Jéhovah, elle n'est pas le nom de Dieu, tu as donné à quelqu'un d'autre aussi. Non, j'ai pas donné à quelqu'un d'autre. Tu as conservé. Oui, c'était dans mon téléphone. J'étais dans mon téléphone. Parce que de temps en temps, je suivais seulement les enseignements. Je suis allé là-bas. Quelques temps plus tard, je rencontre frère Christian. Oui. Le frère Christian me dit, c'est comment? Il dit que non, ça va. Là, avant même de rencontrer frère Christian, c'est que c'est moi qui vais le rencontrer. Oui. Parce que à chaque fois qu'il était, je restais souvent comme ça. Il y a des gens qui disaient que va voir frère Christian. Va voir frère Christian. J'ai dit que je partais lui constamment, il ne voyait même pas à la maison. Jusqu'à ce qu'un soir, je suis arrivé, je l'ai rencontré. C'est où je lui parle de mon parcours un peu comme ça. Il dit que bon, à la Mecque là, ça se passe comment? Vous lancez la dîme. Il a déjà fait de la dîme là-bas. Il me dit la prière. Il dit que oui, que c'est structurel. C'est encore quoi ça? Structurel, c'est quoi? Qu'est-ce que je veux dire structurel? Structurel. Il me parle des choses, Il m'a donné un petit livre. Oui. Ça parle de l'histoire de l'église. Oui. Oui. Et il m'a expliqué, il m'a dit, lis Actes. Si tu veux savoir la vraie église, lis Actes des apôtres, c'est tout. Oui. Tu vas comprendre comment ça fonctionne. Oui. C'est comme ça que je lis donc Actes des apôtres. Je comprends qu'il y a eu tellement de changements. Alors, tu as vu ta Bible, tu as vu les Actes des apôtres. Non. Tellement de changements. Tellement, je vois tellement de changements quand je lis Actes des apôtres. Même à la Mecque encore. Tu vas encore dehors. Je suis dehors. C'est où la camionne, c'est qu'il dit pour finir, tu pars où? Et tu pars où? Et ta soeur, ta grande, c'est que voici, est-ce que tu le vois marcher comme ça sans te connaître pas? C'est eux qui nous parlaient. Je me suis ici, je m'en vais ici à la mer. Là, ils sortent, tu sors. Ils sortent, on me dit, c'est là comme merci Christian. Ça fait le bon travail. Nous continuons. Quand ils sont dans ils se battent, on va encore, vous allez repartir où? Puisque vous êtes sorti, vous êtes parti partout, vous allez repartir où? Souvent, j'ai dit qu'on fait que les églises des maisons, vous allez vous aimer dans les maisons. C'est le fait que... Après ça, vous allez repartir où? Je sais pas, nous, maman, on va finir quelque part, on va finir dans la maison. C'est pour ça que donc je suis resté avec les frères, donc j'ai toujours des enseignements et c'est comme ça maintenant que depuis là j'ai... Et là tu as pris beaucoup d'enseignements? Oui, j'ai pris beaucoup d'enseignements. Tu as commencé à écouter, qu'est-ce que tu faisais dans ton cœur? Moi déjà un. Ou là ce qui m'a vraiment mis, comment tu vois l'eau glacée là, c'est Jésus, Dieu ou homme. Jésus que c'était Dieu au homme, cet enseignement là. Oui, il y avait aussi Dieu sans la Bible. Jésus que c'était Dieu avec ou sans la Bible. Oui, ça m'a vraiment permis que lorsque je prie, c'est à qui je prie. Je sais à qui je prie. Je ne me dérange plus que c'est monté, c'est descendu. Bref, j'ai quand même un peu cette relation là que je connais avec la personne avec qui je parle. Et également aussi, il y avait bon nombre de doctrines que il fallait que je fasse le format comme par exemple 144 000 il fallait que j'essaie de comprendre la façon de oui bref les doctrines de l'église quoi il fallait que je mette ça que tu balais tout ça d'abord que je mette ça à jour et les enseignements que j'ai eu Oui. M'ont permis de comprendre ça. Et là, maintenant, tu lisais la Bible, tu comprenais. Non, clair. C'était vraiment comme l'eau de rouge. Et tu, là, ça ne me donnait pas comme... Comment j'avais cette Bible-ci? Je lisais les mêmes choses, mais je ne comprenais pas. Non, je me dis que... la Bible, témoin, franchement, il y a beaucoup de changements à l'intérieur. Je peux dire que c'est un changement à presque 70%. Ce qui fait que tu vas forcément saisir la doctrine en fonction des données qu'ils ont mises là-bas derrière. En fonction de ce qu'ils enseignent. Ce qui fait que même si tu as la Bible, là, tu ne peux pas. Moi, j'ai trois Bibles. On est allé acheter sa Bible pour finir, puis seulement ça pour aller à Pinamouk où je suis là. Il y a la tradition française courant, il y a le second là et, et la tradition du monde nouveau. Quand tu vois là, vraiment, il y a beaucoup de changements. Beaucoup de changements. Et pendant que tu étais chez Thème de Jéhovah, tu faisais les discours dans la salle du royaume, tu marchais pour aller prêcher. Quand tu prêchais, est-ce que dans ton cœur, tu avais la paix? Je n'avais pas. Et malgré que tu t'habilles bien, tu essaies de faire devant les gens comme si tout allait bien. Non, moi je ne faisais pas comme si tout allait bien. Oui. C'était ça le vrai problème que les gens avaient avec moi. Parce que moi j'étais déjà où je ne voulais pas être hypocrite. Je disais au moins qu'il y a un problème. Même quand j'étais avec les anciens, je ne faisais pas qu'il y ait un problème. Au niveau de la doctrine. Or ils étaient un peu déjà où il ne faut pas critiquer l'esclave. L'esclave fidèle. Oui, faut pas dire ce qu'eux ne disent pas. Dans un autre, ils doivent dire ce qu'eux ne disent pas. On ne discute pas ça. Tu sais, c'est comme que les représentants de Dieu. On ne discute pas. Or, quand ça s'est quand il m'a essayé avec certains anciens, c'est après quelques temps, il y a une question que j'avais posée à un ancien. Qu'est-ce qui te fait croire que vraiment ce qu'on enseigne là est vrai? Voilà. Tu lui as posé ça? Oui. Qu'est-ce qu'il a dit? Il me dit que mais la Bible, est-ce qu'on discute avec l'esclave? Et il y avait un autre chose aussi, le frère Moïse. Lui, il est puni permanent. Il ne sait même pas s'il est maintenant monté ancien. Il ne sait pas s'il est monté ancien. Je lui avais posé la même question. Lui m'a fait comprendre que voilà son cheminement. À chaque époque, Dieu a toujours travaillé avec un groupe de personnes. Et si c'est vrai d'après la Bible? Il a travaillé avec Israël. Il a travaillé avec Abraham. Après Abraham, il a travaillé avec Israël. Maintenant, donc, il travaille avec l'esclave. Il a travaillé avec Charles Roussel. Et après Charles Roussel, il continue à travailler avec un petit groupe de personnes qui persévèrent. Bon, voilà son explication qu'il avait donnée. Point final. Point final. Et une fois, je me suis arrêté de poser ce genre de questions à ses anciens parce que j'avais posé à Joseph, frère Joseph Kamka, une autre question. Lui m'a pris ça comme si j'étais vraiment un apostat, comme on dit souvent. Mais alors que moi, j'étais moi sincère dans la question que je lui posais. Mais il a pris ça autrement. Lorsque vous faisiez les réunions à l'école du ministère, lorsque vous faisiez des réunions privées, parce que vous faites des bilans, vous avez des bulletins intérieurs, les choses, les comptes rendus de toutes vos activités. Quand vous revenez, les questions que vous avez sur dans les gens que vous visitez dans la maison, les cas spirituels que vous trouvez dans la maison, quand vous les amenez, qu'est-ce que vous faites de cela? Les questions qu'on trouve dans le territoire. Oui, quand vous parcourez le territoire, les questions qu'on trouve. Oui, on fait les recherches dans le CD-ROM. Oui. Toutes ces questions, on a donné la réponse. Quand on pose quelque chose, répondez comme ça. On répond comme ça. Et maintenant, que dit ce que la Bible déclare que lorsque vous serez debout, si on vous pose une question, ne préméditez pas votre réponse. Parce que ce qui vous sera dit sera donné par votre Père à cet instant même. Par l'esprit. Voilà comment est-ce que le témoin comprend le fait qu'on dit que ça serait donné par l'esprit. C'est-à-dire que la parole de Dieu, tu vas communiquer. Et comme c'est l'esclave qui représente donc sur le canal par lequel Dieu utilise pour transmettre son message. Ce qui fait donc quand on te pose une question. Tu dis que si tu commences à l'appeler, oui. Tu rentres donc prendre ce que l'esprit l'a dit à travers l'esclave pour venir donc donner la réponse à la personne. Mais c'est terrible, pas vrai? C'est le copier-coller. On va faire comment? Et donc, l'apôtre Pierre, si on lui a demandé on lui a posé la question à chapitre 2, qu'on fait, que ferons-nous? Il allait consulter qui? Est-ce qu'ils avaient une réponse quelque part? Ou il a dit repentir, vu que chacun se baptise au nom du Seigneur? Il a demandé à un groupe de personnes. C'est comme ça que ça fonctionne. Ça fonctionne alors comme ça. Et avez-vous des cas de discussion au milieu de vous par rapport aux autres choses de l'esprit, des miracles, des guérisons divines? Ça, vous avez discuté de ça? On a discuté de ça. Et il y a même tous les gars qui répondent à ça. Selon laquelle les miracles n'existent pas. Et tout ce qu'on fait là, c'est le diable. Comme Jésus a dit qu'il y a le faux prophète. Est-ce qu'en réalité, Jésus a dit qu'il n'y aura que des faux prophètes? En fait, pour le témoin, tout personne qui parle par l'esprit et fait des miracles était autre chose que l'esclave dit. Oui. C'est faux. Et par conséquent, même s'il te regarde en disant que non, nous lisons toute la Bible, c'est l'hypocrisie. Non, c'est l'hypocrisie. Autre chose, dans une des tours de garde et de réveil, on a parlé de Jacques chapitre 5, parlant de oindre d'huile pour les malades, pour les anciens, on a parlé de maladie spirituelle. Mm-hmm. Est-ce qu'ils appellent par maladie spirituelle au juste? Maladie spirituelle, c'est quand tu as le problème d'ordre spirituel. Et comment ils résolvent ça? Puisque tu avais cette même maladie spirituelle. Ils résolvent donc ça par les conseils. Mm-hmm. Donc, dans le conseil, oui. ta maladie spirituelle est résolue. Elle est résolue. Tu vois pas qu'il faut la délivrance? Il faut aller donner la délivrance, non, faut aller. Je veux aller le faire la délivrance. Je veux aller le faire la délivrance. Okay. C'était un peu ça, c'est avec le recul, après que je comprends comment toutes ces choses-là. Et là, ayant vécu avec eux, tu n'as pas constaté que beaucoup d'entre eux avaient des problèmes spirituels, mais ils cachaient. C'est grave. Mm-hmm. Même hier, puisque tu savais hier, même quand on étudiait la Bible ensemble, c'est où j'ai dit à ma soeur que c'est la veste qui couvre le démon qui est dedans. Donc c'est la veste qui couvre le démon qui est dedans. Oui, c'est grave, c'est très grave. Mm-hmm. Tous. Quand je parle en voyant. Mm-hmm. Je parle en les voyant. Mm-hmm. C'est grave, chacun étouffe comme il peut. Il porte une cravate, ils essaient, mais le coup le démon. Je l'ai expliqué, je l'ai fait comprendre, c'est pour ça que tu vas comprendre oui. qu'un ancien en commune l'adultère. Oui. Tu vas comprendre. Ah, mais ils un assistant ministériel a fait ceci. Mm-hmm. Ne comprend pas seulement le titre d'assistant ou d'ancien ou de suivant de ceci. Mm-hmm. Parce qu'il y a un gros problème qui est là. Mm-hmm. Et ils ne peuvent pas résoudre le problème. Et ce n'est que Christ mm-hmm. qui peut résoudre ce genre de problème. Mais puisqu'ils ne connaissent pas Christ. Beaucoup se masturbent. Beaucoup sont dans la fornication. Beaucoup, mais on étouffe, on ne veut rien dire. Hier, j'étais en train de. Quand on étudiait hier le soir, je lui ai parlé par exemple de l'une des bénédictions dont le Seigneur m'a accordé. Mm-hmm. Moi j'ai souffert de la pornographie. Oui. J'ai souffert énormément. J'ai souffert. Et quand j'étais le jour, et tu sortais avec la veste pour aller prêcher. Quand je lisais les jeunes Saint-Roch, oui, comment on dit, oui. Faire le sport. Mm-hmm. Quand tu sens que ça vient, faire le sport. Ou bien tu te couches. Oui. Tu te couches qu'avec le dos. Mm-hmm. Ou encore même quand ça ne va pas, chanter les cantiques. Mm-hmm. Ou soit régulier en prédication. Oui. Toutes ces choses-là, donc je faisais l'effort. Oui. Donc en disant que les jeunes sont interrogés, les questions que les jeunes peuvent avoir. Oui. La masturbation, la pornographie, on essaie de dire de faire le sport, faire le bétane, les techniques pour pouvoir arrêter, mais jusque-là. Et est-ce que tu avais posé ce problème-là à... J'avais déjà eu à poser ce problème à un ancien. Oui. Qu'est-ce qu'il a dit? Et l'ancien m'a donné une tour de garde, il m'a conseillé une tour de garde. Et la tour de garde parlait effectivement de la pornographie. Oui. Et c'était ces différents éléments de choses qu'on donnait. À l'issue de ça. À l'issue de ça, rien. Mm-hmm. Et entre temps, bon, j'ai vu que ça ne sert à rien même d'aller encore les poser des questions parce qu'il n'y a pas de solution. Il n'y a pas la solution. Et le but, c'est juste que là, tu sors chaque fois que tu parles prêcher aussi aux gens. Le but, c'est de revêtir les gens pour que les gens viennent dans le monde de Jéhovah. Ouais, ouais. Et les gens sont venus. Tu étais un bon ministre de. Non, déjà que j'étais. Pionnier. Le camp. Mm-hmm. J'étais éloquent en parole. Mm-hmm. Même lorsque je donnais mon sujet, oui, tu on applaudissait. Je n'avais même pas besoin de préparer longtemps et tout. Et tout. Quand je donnais, on me dit que mais ça c'est un ancien déjà ou quoi. Mm-hmm. Donc j'étais vraiment. Et les pères te félicitaient. Bien on t'encourageait. Bien même. Dans le faux. Bien même. Quelles sont les autres souffrances que tu as souffert là-bas, que tu sais effectivement que c'est de l'hypocrisie et qu'on essaie de voiler? Entre temps, ce qui me fait, même que entre temps même je commence à voir un peu ailleurs, ce qui m'a permis de voir un peu ailleurs, c'est que quand j'ai ressenti ces différentes souffrances, j'ai cherché solution. Oui. J'ai fait les cours de développement personnel. Oui. Donc là, maintenant. Je suis allé dans. Puisque quand je travaillais à quoi. Oui. Je donnais quoi à quoi. J'ai rencontré un groupe de monsieur là-bas. Eux parlaient du leadership mm-hmm. et du management. Mm-hmm. Développement personnel, comment réussir ce qu'on entreprend. Mm-hmm. Donc je suis allé donc là-bas, j'ai reçu ces cours-là. Mm-hmm. Mais la manière qu'ils enseignaient, c'était un peu une autre philosophie un peu élevée qu'ils n'arrivaient pas à appréhender. Mm-hmm. Et le monsieur, la manière qu'il enseignait, c'était vraiment, je ne comprenais pas où il voulait partir. Ce qu'il voulait me dire, je ne comprenais rien. C'est où, bon, puisqu'il y avait jusqu'à presque module, oui. J'étais au niveau du 7e module. Mm-hmm. Et entre temps donc, je m'arrête là, je commence à encore me poser des questions. Mm-hmm. Alors, il te reste deux modules, pour achever. Oui, je me pose des questions. Et les enseignements qu'on recevait là-bas, mmh. qui avait les documentations, je lisais les documentations. Oui. On parlait même de la. On parlait même surtout des mmh. choses spirituelles. Oui. On parlait de Jésus, on parlait de Jésus. C'était déjà des Jésus un peu aussi qu'on parle comme ça. Parce que le Jésus, si là, n'est pas notre Jésus là que je connais. Dans la Bible. Dans la Bible. Mmh. Bon. Quand je prenais dans ces cours-là, mmh. et je partais poser les questions à certains anciens, mmh. on me regardait bizarre. Mmh. Et un jour, on a fait un renoncement. Oui. Quand il... tu fous toi ton nid là où il ne faut pas foutre. On m'a dit non. Le problème, c'est qu'on m'a dit que, mais, Christian, apparemment, toi, tu fais partie d'une loge. Je dis, mais, comment ça, moi, je fais partie d'une loge. On dit que non, quand, on quand les gens t'entendent parler, mmh. ça ne sonne pas un témoin. Ça ne sonne pas un témoin de Jéhovah. Il leur a dit que non, moi j'ai fait partie mmh. d'une loge. Je sais pas, il dit que ah, peut-être que c'est peut-être le coup que je reçois. Là-bas. Le... Il dit que je reçois quel coup. Mmh. Je lui dis que, non. Elle te demande de ne pas avoir autre coup, autre enseignement spirituel mmh. que ce que l'esclave donne. Ce que l'esclave donne est suffisant. Complet. Mmh. C'est suffisant. Mmh. C'est à partir de là qu'il dit que mais suffisant. Mmh. Non, comment ça suffisant? C'est où je dis que pourquoi ces gens-ci même depuis. Ah, je suis aussi resté tranquille parce qu'il m'a tiré le problème. Mm-hmm. Il est bien fait qu'il le faisait pas derrière, mm-hmm. mais je ne disais plus moi qu'il est comme ça, là voici, voici, mm-hmm. voici. Même quand les gens venaient vers moi, mm-hmm. qu'on converse, je ne me mettais pas avec les gens, je disais que voilà mon idée que je pense sur tel sujet. Mm-hmm. Je restais moi tranquille. Mm-hmm. Ne partageais plus mes opinions avec quelqu'un. Mm-hmm. Je restais tranquille. Vu que quand tu partais tes opinions, ça devient un problème. Mm-hmm. Ça devient les problèmes sérieux. Mm-hmm. C'est comme ça que je. C'est surtout. Ces gens de leadership et autres là qui m'ont amené mm-hmm. à sortir même de la zone mm-hmm. pour aller voir vraiment ailleurs. Mm-hmm. Pour commencer à rechercher la vérité autre part autre que ce que l'esclave finait disait. Exactement, mm-hmm. c'est ça. Avant de découvrir vraiment le gouffre dans lequel vraiment le formatage du cerveau mm-hmm. dans lequel j'étais. Mm-hmm. Dans lequel j'étais. Une fois, il y a eu quelque chose qui s'était passé. Lorsque j'ai commencé à voir ces différents Jésus-là, mm-hmm. car il me dit que Christian va et prie Jésus. Quand les problèmes ont commencé à sonner de chez moi, de bouche à droite, parce que j'ai traversé les situations qu'il ne comprenait même plus. Il mm-hmm. me dit, Christian, va, tu pries à Jésus. Il m'a envoyé prier à Jésus, ça ne va pas dans ta tête. Il dit que non, Jésus c'est Dieu, prie, il va te répondre. Je suis allé le soir là, j'ai voulu prier. Mm-hmm. Mais je sais pas, quelque chose à porter à commencer, je vois que tu vas continuer ici. Mm-hmm. Et le soir, quand je dormais le soir, mm-hmm. c'est ma petite soeur ici, puisque je dormais avec elle. Mm-hmm. C'était physique mm-hmm. ce que j'ai vécu. J'étais dans le sommeil, mais c'était physique. Mm-hmm. Je dors, on me crangle le cou. Mm-hmm. On est en train de me crangler littéralement. Mm-hmm. Je me débat. Elle est à côté, elle sentait vraiment comme elle était en train de me battre. Mm-hmm. Et entre temps, ce qui se passe, j'ai la respiration même déjà décalée. Mmh. Voilà la lumière qui sort, une grande lumière qui sort, paf, la gorge est libérée. Mais tu sentais la personne sur ta machine, tu ne vois pas la personne qui est en train de t'écraser. Non, mmh. ça se passe dans le sommeil. Mmh. Et la lumière sort et directement la personne qui m'écranglait m'a lâché. Mmh. Et j'entends une voix dans le sommeil mmh. qui dit, Christian, arrête ce que tu fais. Mmh. J'ai dit que je vais arrêter quoi? Il est seulement compris. Arrête ce que tu fais. Je me lève du lit, je m'en vais voir Karine, je l'explique ce qui s'est passé. Même le petit seul m'a dit que ton nom Christian, ton nom Christian. Parce qu'il comprenait comment je faisais un peu. C'est ouais, il me réveille, je me réveille donc. Mmh. Le matin, je m'en vais, j'explique à Karine. Karine me dit que Christian, tu as été visité par Jésus. Il dit que hop, visité par Dieu. Donc, je sais qui? Je sais qui? Juste parce que Dieu vient vers moi. Il vient vers moi. Mmh. Je dis que je sais qui? C'est vrai, me parle, ça parle. Il dit que non, laisse. Mais, il y a un temps également, comme j'ai cherché moi, j'ai commencé moi une place, moi, à chercher ailleurs. Mmh. Il y a, je me suis assise un soir à la télé, un dimanche. Mmh. C'était à STV. Je suivais l'émission du professeur, la dame qui présente l'offre. Mmh. L'invité, c'était le professeur qui est à l'université. Il adore, il a Bédi. Sommelier. Oui, mm-hmm. parfait. Mm-hmm. Il parlait de l'amour et puis il parlait plus sur le côté spirituel. Mm-hmm. Il avait un séminaire qu'il avait organisé. Mm-hmm. J'ai dit qu'il va aller suivre le séminaire. Donc tu étais toi à tout vent. J'étais maintenant que partout. J'ai dit qu'il va aller suivre le séminaire là. Mm-hmm. j'ai raté le séminaire. J'ai raté le séminaire. C'était payant le séminaire. Oui, oui, c'était 10 000. 10 000. Pour venir sur un séminaire sur quelque chose qui concerne Dieu. Non, pour venir sur un séminaire, c'était sur le célibat, le mariage. Et la vie de couple. Oui, de couple. Qui concerne le Seigneur Jésus. Oui, je suis donc allé. N'est-ce pas bizarre ça? J'ai raté ça. Bien après, j'ai acheté le CD. J'ai acheté le CD. Quand j'ai acheté dans son CD, j'ai écouté. Puisqu'il avait laissé le contact. J'ai l'appelé. Et je lui ai souligné les problèmes que je traverse. Il m'a prescrit 90 jours de jeûne. 90 jours de jeûne. Oui, 90 jours, donc 3 mois de jeûne. Il m'a dit de prier. Il m'a donné les heures de prière. Et il m'a demandé. Et il m'a donné les ça sur le téléphone versets. Oui, ça sur le téléphone. Il m'a envoyé les SMS, les versets et tout et tout et tout. Et après, quand tu l'as appelé, il t'a demandé de sortir au séminaire. Non, il m'a demandé, puisque quand je l'ai appelé, je lui ai fait comprendre que je n'ai pas été au séminaire. C'est lui qui m'indique la route où je peux aller m'acheter le CD. Je m'en vais. Donc, puisque je suis allé sur Facebook, j'ai tapé, j'ai vu son adresse. Tout, je l'ai appelé, il m'a reçu, il m'a envoyé d'aller acheter le CD. J'ai acheté le CD, j'ai écouté. Je lui ai posé mon problème. C'est où il me dit que ok, je dois me laver avec le sel. Je dois mettre le sel dans le ça. Parfait. Dis parfait son gars. Il faut qu'il me lave avec le sel. Et il faut qu'il prie. Et il a expliqué que ça veut dire qu'après ça. Il m'a dit que j'ai un sérieux problème spirituel. Bon, mais là, parlant de la Bible, il t'a donné trois versets de la Bible comme même le verset puisque la fait. Il m'a pas donné le verset. Donc l'autre là, il n'a pas donné le verset. Non, il n'a pas donné le verset. Mais c'est toi, en tant que le Jéhovah qui doit examiner les écritures, est-ce que ça ne t'a pas fait parler bizarre? Ça m'a paru bizarre parce que déjà, en tout cas, le Jéhovah ne pratique pas quelque chose qui a créé un peu le spiritisme. Oui. Il ne pratique pas. Quand il m'a dit ça, ça n'a pas sonné clair dans ma tête. J'ai préféré lire les versets. Après maintenant, donc je l'appelle, lui dis que bon, j'ai même un autre problème. Il me dit quoi? Quand je vais prier, on m'a appris qu'il faut prier Jéhovah. Toi, tu dis que je prie Jésus. Je prie Jésus, Jésus c'est Dieu. Il me dit que mon ami, prie Jésus, c'est lui le Dieu. Laisse tes affaires de Jéhovah. Il dit que ok, j'ai compris. C'est où donc? Je commence dans la lecture. Dans sa lecture, qui met. C'est verset, le verset me d'avoir fait presque 10 versets, 10 chapitres comme ça. Il veut tout lire avant de prier chaque jour. C'est même pas l'esclavage. Jésus qui m'a dit que mais c'est quoi pour finir? J'ai laissé. C'est jusqu'au moment où vraiment je tombe sur Christian. Et que Christian me dit. C'est Christian dont tu parles depuis. Frère Paul. Il a épousé Anne récemment. On l'avait fait son mariage. Ok, celui qui sort du Maroc. Oui. Ok, je comprends. Parce que tu vas les chrétiens depuis parce que tu t'appelles chrétien, il ne comprend pas le clé. Non, c'est mon monion, justement, homo. Ok. Donc il te donne seulement, vous êtes déjà comme il est calme là, il te donne seulement les enseignements. Non, il me donne les enseignements, je suis, et de temps en temps, on s'édifie. Quand je viens là-bas, on s'édifie. Oui, quand je suis même là-bas, même. Bon, maintenant, comme je suis là-bas, j'appelle plutôt le frère William. Je l'appelle William dans la nuit puisque lui, Paul, il est marié. Oui. Je peux pas l'appeler. Mais William, par contre, il peut sacrifier le soir et on s'édifie comme ça, constamment. Oui. Donc c'est comme ça que je m'en chrétien. J'en chrétien un peu ma part d'esprit. Mais sachant qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Il ne va pas. Juste là, tu sais qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Non, il y a quelque chose qui ne va pas. Et avec lui, parfait son gars, malgré que tu as dépensé, ça n'a pas donné. Non, ça n'a pas donné. Ça n'a pas donné. Ça n'a pas donné. Je préférais laisser. Je préférais laisser. Qu'est-ce que tu cherches au juste en suivant ton petit frère? Il part chez ton meilleur, tu pars, il part à la Mecque, tu pars, il part au mec, il part en route, tu pars. Tu cherches quoi au juste? Ma part, c'est que moi, ce qui me fait chier jusqu'à le défis fou et aigris comme avec lui là. Non, comment dire à la maison que sur le gravon, tu vas t'amener même n'importe où. C'est la paix. Donc, connaître vraiment l'amour de Dieu. Oui. Donc, c'est ça que. Donc, je cherchais l'amour de Dieu. Oui, l'amour de Dieu, la paix. Juste, donc, le fait que quand je sais chez moi, chez moi alors, parce que je suis chez nous, et Dieu, c'est moi que, ouais, Seigneur, moi, quand j'étais petit, j'aime avec mes copines, et Dieu, toujours que je veux être chez moi, et que le centre de ma. Dans mon foyer, c'est Dieu qui est là. Quand tu étais petit, qu'est-ce que tu faisais dire là que il faut que je sois dans mon. Il fait le chemin, que Dieu soit au centre de mon frère. Qu'est-ce que tu faisais dire ça? Parce que j'aimais trop les choses dont amour. Donc j'aimais trop voir une personne amour. Donc quand je vois une personne de faire comment cette personne menace, soit une personne, même l'homme, tout ça, quand il va être ça devant mes yeux, ça me plaisait pas. Et pour moi, j'ai cherché toujours que la justice de Dieu. Donc quand tu entendais l'injustice, ça te faisait mal au cœur. Oui. Quand quelqu'un souffre, ça te fait mal au cœur. Tu savais qu'il faut que ce soit Dieu qui résout le problème. Oui. Pardon. De telle manière que quand ça faisait comme ça, alors, c'était un moment la nuit, quand je dormais. Quand je dormais comme ça, il y avait des fois les femmes, donc je me lève le matin, je n'arrive même pas à marcher. Quand t'as tapé, bien même marcher. Oui, j'ai essayé de dire à la mère que maman, je suis pas moi-même. Elle dit que c'est quoi? Elle dit que je suis tout mouillé, je suis cassé. Elle me dit que mais mouillé comment? Elle me dit que je sais pas, comme je t'ai dit là. Bon, quelques jours après, je me lève encore. À ce moment, quand j'ai fait ça, au début de l'école, j'ai compris bien l'école. Hein. J'ai compris bien l'école. Mais il y avait un truc dans moi, tu te mets là. Ta manière de faire quelque chose, je dis que non, la personne, ce n'est pas bon. Il y avait un sentiment, quand je suis avec une personne, je dis que non, toi, tu n'es pas bon. Directement qu'elle est ici. Donc tu disais qu'elle est marabout. Elle détectait le mauvais. Tu n'es pas bon. Mais, entre temps, vis-à-vis, à partir de aimanté 1, ça n'allait plus. Parce que s'il te plaît, entre parenthèses, elle, voilà ça, et c'est ma petite soeur, c'est qui me suit derrière. Elle, pour elle, c'est qu'elle se lève le matin, ou bien c'est quoi la vision, elle se lève le matin, elle te dit qu'elle a vu qu'il y a tel chose qui s'est passé. Et ça ne fait même pas quelques jours la chose qui se passe. C'est pas quelque chose qui s'est passé une fois avec elle, c'est pas deux fois, c'est plusieurs fois qu'elle a vu ça avec elle. Donc elle rêve quelque chose dans la nuit, elle se lève le matin et te dit. Si tu n'as pas, que tu as le problème de la journée, il faut commencer à demander pardon. donc, ça veut dire que ta grâce était aussi comme ça. Non, c'est pour ça que c'est différent, puisque ce n'est pas dans le rêve. Pour elle, c'est qu'elle voit ça que dans le rêve. Ça, c'est dit cash. Voilà. Alors, pour moi, dès que quand ça faisait en sorte comme ça, à partir de 21, tu m'étais un peu quoi, il vivait plus. On me tape n'importe comment, et je ne vis pas. Et c'est comme ça, alors qu'à un moment, j'ai dit que. Je ne veux plus moi fréquenter. Le père me dit que tu vas alors faire quoi? Il dit que je vais faire la coiffure. Le père dit que non, je préfère te mettre à la coiffure. J'ai dit que non, la coiffure. Et comme j'ai touché la tête, je te coiffe. Tu penses à même 10 personnes là chercher à venir que je la coiffe. Bon, entre temps, il y avait maman, ma voisine en face. Quand elle venait la nuit, elle me dérangeait comme ça, justement. Et elle vient la nuit, tu dérangeais comment? Donc, quand je dormais, je vois comment elle vient. Oui. Mais ma tête, quand venait, donc on m'a appuyé ma tête, je me lève tout ma tête, je dis que maman, tu m'avais amené une fois quand j'étais encore petite, chez un papa, juste à tout m'as dit que le père, que tu étais gravement malade quand tu m'as accouché. Et tu m'as amené chez un papa. Le père, là, c'est qu'il avait retiré dans moi, va le récupérer, ça, tu me donnes. Il me dit que, au moment qu'il était accouché, il y avait que tu n'étais encore que bébé. J'étais en 1980, tu étais encore bébé. Tu étais gravement malade, on me menaçait avec des choses. Mais toi, je t'ai amené chez papa, c'est parce que tu étais gravement malade. Et que non, tu m'as laissé quelque part là-bas et tu es sorti. Comment toi, étant un bébé, quand tu sais qu'on t'a laissé quelque part et qu'on t'a réalisé que comment tu peux savoir ça? Non, moi je parlais comme ça au moment et quand je lui parlais, elle me dit que c'est ce qui s'est passé. Elle m'avait bien laissé. Le papa là, il est à mort depuis. C'est un papa Baham. C'était un Baham. C'est mon père. Alors, qui Cameroun. Oui, qui l'avait amené là. Puisqu'elle était gravement malade, on ne savait même plus qu'elle devait vivre. C'est là que j'ai dit que non. Il m'a pris quelque chose, monté sa part là. Toi, étant chez le terminal, tu savais que ta grâce et ta petite soeur donc avaient des problèmes d'ordre spirituel aussi. La chose qu'il est que déjà que sur le témoin de Jéhovah, même si tu as le problème d'oubli, c'est quand ma parole me sonnait vrai que j'ai commencé à comprendre que non, ça ne va plus. Parce que moi, même quand ils expliquaient, moi, ils disaient qu'à lycée, puisque dans ma petite soeur d'abord, quand m'expliquait ces choses, les rêves là, je dis que les rêves là, ça ne fonctionne pas. C'est la psychologie qui te. Que c'est mental. Oui, que c'est mental. Mais quand elle, une fois, elle m'avait dit que. Il y a telle personne, j'ai rêvé que telle personne t'a rendu visite. Ça n'a pas fait 30 minutes, la personne est venue me rendre visite. Il y avait une fois encore, j'ai rêvé que le père est rentré aujourd'hui. En reste, ça ne fait même pas quelques minutes, le père effectivement rentre. C'est où j'ai commencé à avoir peur de... Mais étant une fois, un premier jour à endurer, quoi, Dieu est cuit, tu essaies de résister. Non, là, lui, j'essaye de résister, mais j'essaye de résister avec réserve. Parce que c'est une quelque chose ne va pas. Non, quelque chose ne va pas. Bon, le fait qu'il dit quelque chose ne va pas, c'est que je sens qu'il y a autre chose en dehors de la chair ici. qui se passe. Il y a autre chose en dehors de ça. Donc c'était ça qui faisait que bon, j'ai commencé à comprendre qu'il y a un phénomène. Mais il faut s'accrocher. Mais il y a la puissance dans le nom de Jésus-Christ. Donc je vous promets, vous trois là, vous qui êtes ici comme si vous serez libérés au nom du Seigneur Jésus. D'accord. Libérez parce que vous saurez que quelque chose est sorti de vous. Vous devrez savoir, vous allez expérimenter la puissance du nom de Jésus-Christ de Nazareth. Vous allez savoir qu'en prononçant le nom de Jésus-Christ, avec la puissance du Saint-Esprit, avec son autorité, ça agit. D'accord. Après que vous soyez libre, quand vous serez libre, qu'est-ce que vous allez dire? Que les témoins de Jéhovah sont possédés? Non, c'est ce que moi j'ai dit déjà d'avoir d'office. Et moi, il y a même une fois, je l'avais fait pas. Et j'ai dit que je me suis même peu demandé. Mais c'est bien après, même quand j'ai discuté ça avec William. William a parlé, les enseignements sur les différents types d'appels. Parce que franchement, frère, quand je vois la situation que ces frères la traversent, il y a beaucoup de mes amis là-bas. De tous autour de jour. Oui. Mais ils souffrent. Ils souffrent. Et moi, on ne peut pas être en contact, on ne peut pas causer. Parce qu'ils ont la catégorie comme apostat. On leur interdit de parler. Et quand je vois ça, ça me fait un choc dans le cœur. Comment je peux les aider? Comment je peux faire? Quand tu dis qu'ils souffrent, ils souffrent de quoi? Quand je dis qu'ils souffrent, ils souffrent, comme je prends un exemple, surtout au niveau de la pornographie. Ils souffrent de la pornographie. Donc beaucoup sont là, ils envoient la pornographie, mais ils sont là, ils portent des vestes, ils portent la fraîche. Ils souffrent de la pornographie. Ils souffrent par exemple du mensonge. Ils font, c'est j'ai un ami qui était sorti aussi également. On était au collège ensemble. Il est sorti parce qu'il disait que non, il y a trop de l'hypocrisie qu'il constate. Et ça lui fait vraiment choc. Il dit que l'hypocrisie c'est partout. Ce moment-là encore, j'étais encore dedans. Il dit que l'hypocrisie c'est partout. Bien seulement tu fais ce que tu peux aussi faire. Et nous là, disons lui, le degré d'hypocrisie qu'il voit, qui n'est pas seulement au niveau des frères, même chez les anciens. Quand il voit ça, ça lui choque, il ne peut pas supporter. Donc, il y a ces différentes choses-là que les frères souffrent. Et il y a aussi la calomnie qui est une monnaie courante. Tant au niveau des femmes qu'au niveau des hommes. C'est pas facile. Voilà donc, voilà autant de choses. Et là, étant à l'intérieur, tu as observé beaucoup de ces choses-là autant même. Non, j'ai observé. J'ai observé bien même. Mais là, il ne cherche pas de solution pour s'en sortir. La solution dont je parle, peut-être que Frédéric ne me comprend pas. La solution, ce sont des solutions psychologiques. La preuve que ça ne fonctionne pas, ça ne fonctionne pas. Mais il dit, est-ce que ceux qui souffrent là-dedans, à qui on propose ces solutions, le CD-ROM, en psychopédie, tu m'aides donc à arriver donc à la solution finale. La solution finale, c'est pour pas souffrir pour un bout d'état. Je vais vous permettre donc d'éradiquer toutes ces choses-là pendant le règne des migrants. C'est-à-dire, explique ça clairement. Ça veut dire que quoi? Je souffre de la pornographie. Je dois résister. Résister comme je veux. Comme tu veux. Juste avec ça, dans le monde nouveau. Pendant le règne millénaire. Pendant le règne millénaire de Christ, donc. C'est Christ qui va me faire parvenir à la sainteté. À la sainteté. Et serait libre de ça. Mais même pendant que tu dis cela, je vais lire un passage de l'écriture pendant que tu dis ça. Ça me vient l'esprit. Et tu me dis, c'est que ça, si c'est compatible. Je lis le livre de Révélation. Révélation chapitre 21, le verset 27 dit, il n'entrera chez elle rien de souillé. La pornographie, ça souille. Ça souille. Ça souille. Il n'entrera chez elle rien de souillé, ni personne qui se livre à l'abomination et au mensonge. Il n'entrera que ceux qui sont écrits dans le livre de vie de l'année. Est-ce que si... la solution finale que donne la Watch Tower, que non, si ça vous dépasse, résistez pour que quand Jésus lui-même viendra, il va vous faire entrer dans le règne des miracles, et c'est là où il va vous faire parfait cela. Est-ce qu'après ce verset-ci, et je vais interrompre. Bon, je vais expliquer selon la Watch Tower. Selon la Watch Tower. Déjà que, c'est les instructions, c'est ceux qui suivent les instructions données par le canal de l'esclave. Qui vont traverser la grande tribulation. Qu'on appelle encore à Mangedon. Mais ils vont traverser la grande tribulation. Ils savent ça. Non, ils savent qu'ils vont traverser en suivant les instructions de l'esclave fidèle. De ceux qui sont à la tête. Oui. Et donc ceux qui sont dans qui vont traverser cette grande tribulation, qui sont dans le monde nouveau. Avec le nouveau gouvernement. Ça veut dire que quand la grande tribulation va venir, ça va tuer beaucoup de personnes. Les autres personnes qui ne vont pas écouter entrer dans l'âge moderne. Pour traverser. Et maintenant donc, pendant ce gouvernement théocratique là, géré par les 144 000 Jésus, ce sont eux qui vont aider les problèmes des humains là à pouvoir être parvenus à la sainteté. Est-ce que la Bible dit qu'à ce moment là les humains auront encore des problèmes comme ça? À ce moment c'est après le règne millénaire. Oui, c'est pas terrible. Et c'est ça que je dis, donc c'est ça que je parle aussi également des souffrances. Quand je parle de souffrance, j'englobe aussi la doctrine. Non. Ça veut dire que maintenant, si un témoin de Jéhovah ne parle même pas de la masturbation, de la pornographie ou bien de l'adultère, il prend ça comme étant une souffrance, ça part de souffrance qu'il va devoir maintenir jusqu'à ce moment-là. Voilà, et en même temps, s'il meurt là maintenant. S'il meurt, je vais le ressusciter. Pour pouvoir le parfaire. Oui. Et tu penses que c'est biblique ça? Je pensais avant que c'était biblique. Et ça fait que les gens se consolent et restent dans cette souffrance. Oui, et restent dans cette souffrance-là. Et espère donc pour qu'il va te racheter plus tard. Voilà. Voilà un peu ça. Ah, c'est la souffrance, pas vrai, frère? C'est ça que je parle de la souffrance. Quand je vois cette souffrance-là, ça, quand je parle de voir cette souffrance, je parle de toute cette doctrine qu'on nous sommes en train de. Une fois, je disais que quand tu es marqué par la vie, le chat dort même, il fait comme ça là, c'est il rêve de la souris. La souris. C'est comme ça qu'on est dans l'obscurité. Donc toute chose qu'on pense, on ne peut pas regarder autre chose que ça. Pas regarder autre chose que ça. Bon, maintenant, regarde exactement avec les yeux là, tes yeux. Regarde tous ceux qui sont allés nous écouter maintenant, qui sont les témoins de Jéhovah, qui sont à l'intérieur, qui sont des souffrés. Donne-leur un message, dis-le. Ceux qui sont en train de nous écouter. Oui. Ce que je peux seulement dire, c'est que vraiment, l'organisation est une organisation à double face. Oui. C'est-à-dire que l'autre face qu'il présente, il peut dire la face blanche, n'est pas la face réelle. Il y a une autre face derrière. Et c'est cette face-là qu'eux ne voient pas du tout là, qui va leur coûter très cher s'ils continuent à suivre ces personnes. Et d'ailleurs, même que la Bible ne nous recommande pas de suivre un groupe d'hommes. Voilà. Mais la Bible nous recommande plutôt de suivre Christ. Christ Jésus. Parce que c'est lui qui est la vérité, le chemin et la vie. Donc si on met vraiment, si quelqu'un dit qu'il met son espérance en un homme, en une organisation, ou encore une organisation, c'est son problème. Mais est-ce que tu peux dire que les gens qui sont des dirigeants, par exemple dans une circonscription, comme par exemple cette salle qui est devant nous, est-ce que ceux qui sont à la tête sont conscients du fait qu'ils sont dans le mauvais camp? Et c'est un oui, c'est un non. Oui. Ceux qui sont conscients, c'est ceux qui sont dans le spiritisme. Oui. Parce qu'il y a des personnes qui sont dans le spiritisme là-bas. Explique-nous ça. Pourtant, ils condamnent le spiritisme et les écrits comme le spiritisme. Il y a ceux qui sont dans le spiritisme là-bas. Oui. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire qu'ils connaissent, puisque dans la Bible de l'organisation, il y a le spiritisme à l'intérieur. Oui. Or, l'athée ne peut pas savoir concrètement comment détecter ça. Mais celui qui est dans la chose, c'est que non. Voici, c'est quelque chose pour capter l'esprit de quelqu'un. Mais pourtant, dans les écrits de la Watchtower, on dénonce purement et simplement le spiritisme. Oui, on dénonce purement le spiritisme. Quand je dis qu'il y a le spiritisme, c'est que avant, moi, j'entendais les échos du spiritisme. Oui. C'est plus tard quand je fais donc mes recherches, quand je sors même carrément, je fais mes recherches, que je me rends compte que dans les publications, le spiritisme c'est versé partout. C'est partout. Mais puisque nous sommes bleus, comme on dit souvent, on ne connaît rien. Oui. Et on ne peut pas détecter. Oui. Et quand il dit qu'il y a les anciens qui sont spirites, on a eu à détecter les anciens qui ont eu des chaînes pour envoûter certaines personnes. Oui. On a détecté les anciens qui étaient dans les milieux sectaires. Ça veut dire qu'il y a les anciens qui sont dans le spiritisme. Donc ceux-là forcément connaissent. Ils connaissent. Et peut-être ils enseignent bien. Voilà. Alors, il y a quelqu'un qui nous écoute maintenant. C'est une femme dont le mari est dans le témoin de Jéhovah. Il ne sait pas comment faire pour sortir. C'est un homme dont la femme veut entrer dans le témoin de Jéhovah. Il ne sait pas comment faire pour s'en sortir. Ce sont les enfants qui sont entraînés à l'intérieur malgré eux. Ils se trouvent à l'intérieur. Beaucoup sont comme ça dans des maisons qui habitent. Et ils sont obligés d'être chez le témoin de Jéhovah. Quel conseil peux-tu donner à un témoin de Jéhovah qui recherche la vérité? Qu'est-ce qu'il doit faire? Il y a une chose qu'il faut comprendre, frère Junior. C'est que quand je parle, je regarde mon cas. Le témoin de Jéhovah est dans une prison hermétiquement fermée. Une prison psychologique. Il faut d'abord être conscient de ça. Si tu n'es pas conscient de ça, tu ne peux pas. La liberté n'est pas forcément dit que tu marches à où personne ne t'arrête. Oui. On peut te mettre dans une prison alors que tu marches au champ sans problème. Oui. Il faut que le témoin soit conscient qu'il est dans une prison hermétiquement fermée. Oui. Et savoir maintenant qu'il faut qu'il sorte de cette prison. Mmh. Et pour sortir de cette prison, il aura les problèmes psychologiques énormes. Mmh. Mais ce sont des choses passagères. Mmh. Parce que dans toutes ces choses, dans toutes ces choses-là, c'est la relation avec Christ qui te libère, franchement. Mmh. Vous voyez, j'ai énormément souffert de cette rupture. Mmh. J'ai énormément souffert. Tu es comme quelqu'un, un enfant qui est sevré. Effectivement. Coupé directement tout à coup. Tout de puisque j'ai, c'est près de 20 ans de relations qui ont été coupées. Avec Jéhovah. Avec tous les frères là-bas. Oui. Qui ont été coupés. Donc ce qui fait que pour moi. Parlant de cela, tu as fait combien de temps chez le temple de Jéhovah? J'étais là-bas depuis l'âge de 9 ans. 9 ans? Oui. Donc jusqu'au moment où tu sors, ça fait combien d'années chez le temple de Jéhovah? Je suis sorti en 2013. Donc? J'ai pris la responsabilité. Non, c'est 2014, non. Allez. C'est où 2013 comme est-ce que tu as pris ta retraite? Oui, 2014, je sors. 2014-2015, je sors normalement. Oui, oui, je n'ai pas. Donc, en clair, ça fait combien d'années chez le comité de Jéhovah? Depuis. Disons que depuis 2000. Mm-hmm. Non, oui. 2014, que j'étais là-bas. Donc, ça fait presque 15 ans. Oui, presque 15 ans. 15 ans chez le comité de Jéhovah. Et ce n'était pas une seule congrégation que j'ai fréquenté. Oui. J'ai fréquenté plusieurs congrégations. Oui. De par mes déplacements que je faisais. Oui. J'ai fréquenté plusieurs congrégations. Oui. Et c'est ça fait de telle sorte que j'ai eu beaucoup de relations avec les frères. Oui. Beaucoup. Donc beaucoup me connaissaient. Et dans toutes ces congrégations où tu passes, est-ce qu'on t'a estampillé de l'Andéa là-bas? Comment. Est-ce que d'autres, par exemple, tu as cette congrégation, par exemple, ici, on ne te connaît pas. Est-ce que si tu abordes un de tes amis là-bas, il doit savoir nécessairement que tu as été escompté? Non, la nouvelle est passée. Comment ils font circuler cela? Mais puisque ils font circuler cela, ils se disent, on se dit non, entre nous, non, on connaît que non, telle personne, puisqu'on prend les nouvelles de tel frère. Oui. Si je te rencontre, il me dit que, mais c'est comment on va tel frère? Quelles sont les nouvelles? Ah, voici les nouvelles qui sont là. Oui. Donc la nouvelle circule. Ok. C'est là. Donc ce qui fait que. Donc tu es personne non grata chez les témoins de Jéhovah. Clair et net. Donc, alors on était au niveau de là où tu donnais de conseils aux témoins de Jéhovah, ceux qui s'y trouvent. Ils t'écoutent. Oui, ceux qui s'y trouvent là-bas. La seule chose que je peux seulement dire, c'est que moi, le plus souvent, même quand je dors, je prie Dieu par rapport à ça. Qu'ils comprennent que c'est Christ. Mmh. Christ qui dit que c'est un ange là. Mmh. Voilà, c'est ce matin même que j'ai dit ça à ma grand-sœur que, oui. Même sans la Bible, oui. On montre que Christ est Dieu. Oui. Comment? Le Messie est attendu par qui? Par les Juifs, par les Israélites. Oui. C'est Israël qui attend les Juifs. Oui. Oh, prends ton vol, va en Israël, tu leur dis que le juif là qui vient, c'est qui? Ils savent. Et ils vont te dire que c'est Dieu qu'ils attendent. Oui. Oh, maintenant, toi, tu as accepté que oui, Jésus là est le Messie, mais tu dis qu'il n'est pas Dieu. Alors qu'eux, ils connaissent. Alors qu'eux, ils disent que non, c'est vraiment le Dieu là qui les attend. Ça veut dire qu'il y a un sérieux problème. Mm-hmm. Il y a un sérieux problème. Donc, c'est ce Christ là qu'il faut suivre. Bah, permets-moi, pendant que tu parles comme ça, que les juifs attendent le Messie et que ce Messie est censé être Dieu, je lis cela dans la Bible. C'est pas ça là particulièrement. Dans le livre d'Ésaïe au chapitre 35. Esaïe, chapitre 35, pour que, comme le thème de Jéhovah, s'ils peuvent écouter et puis lire la Bible, qu'ils puissent lire et voir, n'est-ce pas? Esaïe, chapitre 35, c'est écrit là-bas, temps messianique. Mm-hmm. Temps messianique. Je lis à partir du verset 1. Il est écrit, le désert et le pays aride se réjouiront. La solitude s'égayera et fleurira comme un narcisse. Elle se couvrira de fleurs et tressaillera de joie, avec chant d'allégresse et cri de triomphe. La gloire du Liban lui sera donnée, la magnificence du Carmel et de Saron. Ils verront la gloire de l'Éternel, la magnificence de notre Dieu. Fortifiez les mains languissantes et affermissez les genoux qui chancellent. Dites à ceux qui ont le cœur troublé, prenez courage, ne craignez point, voici votre Dieu. La vengeance viendra, votre Dieu, la vengeance viendra. La rétribution de Dieu, il viendra lui-même et vous sauvera. Alors s'ouvriront les yeux des aveugles, s'ouvriront les oreilles des sourds. Alors le boiteux sautera comme un cerf et la langue du muet éclatera de joie, car des eaux jailliront dans le désert et des ruisseaux dans la solitude. Donc il est question ici du temps messianique. On dit que Dieu lui-même va venir sauver. Et quand l'époque où il va se manifester, il y aura les guérisons divines. Exactement. On voit effectivement que quand les disciples de Jean-Baptiste sont venus dire à Jésus que est-ce que tu es celui qui devait venir ou bien devons-nous en attendre encore un autre? Il leur a dit, allez dire à Jean-Baptiste que quoi? Que les aveugles voient, les morts sont ressuscités, ainsi de suite. Pour leur dire que, en fait. C'est la chose dans laquelle se passait. Voilà, que la chose que celui qui devait venir et que ces choses devaient se passer est là. Et le texte d'Isaïe 35, là, nous l'appliquons plutôt dans le monde nouveau. Dans le monde nouveau. Le paradis. Que ça va se venir, que ça va se passer comment? C'est-à-dire, c'est dans le paradis que Isaïe 35 va se réaliser. Donc tu vois effectivement que pour vous détourner, pour vous ne comprenez pas qui est Jésus, il suffit qu'il transporte en disant que ça va s'accomplir dans le monde dans nouveau. Le monde nouveau. Dans le monde nouveau. Il y aura des paralytiques là-bas, mon cher. Puisqu'il y a des personnes qui vont s'élever, qui étaient paralytiques. Oui. Mmh. Oui. Il y a des personnes qui sont morts paralytiques. Oui. Donc ils vont venir, ils sont paralytiques. Paralytiques, oui. Voilà. Et bien, dans ce cas, il disait dans le monde nouveau que ça va s'accomplir. On a dit alors souvent le sourd. Quand il va venir lui-même. Quand il va venir lui-même, il vous sauvera. On sauve quelqu'un qui était d'abord perdu. Dans le monde nouveau, c'est un monde déjà restauré. Oui, pour que ce monde donc soit restauré, oui. Il faudrait qu'il y ait eu un chaos, non? Maintenant, regardons quand, à la résurrection. Quand quelqu'un sort de la tombe à la résurrection, s'il était paralytique, il devient comment? Si quelqu'un sort de la tombe, c'est celui qui ceux qui ont traversé, oui. À Magdon, à pied, c'est... Oui, physiquement. Physiquement. Oui. Et ils ne sont pas toujours guéris. Oui. Bon, lisons ce que la Bible déclare donc, dans ces mystères-là, encore une fois de plus. Quand le grand apôtre parle, pas vrai? 1 Corinthiens chapitre 15 verset 50 dit: ce que j'ai dit frère, c'est que la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu. La chair et le sang, donc personne n'entrera comme ça à pied là-dedans. C'est ce qu'il dit. Ne peut hériter le royaume de Dieu et que la corruption n'hérite pas de l'incorruptibilité. Ça veut dire que ce corps, c'est parce que ce corps-ci a été corrompu. Il n'y a rien ici qui va faire la transition pour entrer dans un autre. Et puis il dit ici: voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés. Il y a un changement qui va avoir lieu. Oui. Et par conséquent, ce n'est pas avec ces corps qu'on va entrer. Et les vivants qui seront vivants vont se changer pour entrer. Et ceux qui seront morts seront enlevés. Il dit: en un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette, la trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles. Et nous serons changés. Nous ici, oui. C'est mis. Pour les 140. Pour les 140, c'est ce qu'ils disent. Oui. Bon, tu vois, effectivement, ça, c'est la doctrine de Bible. Donc, ça n'a rien à voir, n'est-ce pas? Voilà. Alors, continuons donc dans cette lecture, dans cet avertissement. Et pour tous ceux qui sont en train d'étudier avec les témoins de Jéhovah, qui permettent que les témoins de Jéhovah entrent chez eux et étudient, quel est le piège? Qu'est-ce que tu peux nous dire à ceux-là qui nous écoutent maintenant, qui sont en train d'étudier avec les témoins de Jéhovah? Ah, le piège. Et qui veut s'aventurer pour aller se baptiser? Le piège qui est là est déjà que le baptême des témoins de Jéhovah n'est pas un baptême. Ça n'a rien à voir, oui. Ça n'a rien à voir. Puisque tout derrière est faux d'abord. Faux. Oui. Donc, mais en ce qui concerne l'étude, oui. Il est clair que quand on regarde, Satan ne va jamais venir dire que je suis Satan. Oui. Et j'ai dit plus haut que c'est que les organisations qui sont ceux qui sont à la tête en haut présentent une face blanche. Oui. Ça veut dire que c'est cette face blanche là qu'on va te présenter. Oui. Il y a un piège souvent qu'on fait souvent au champ là, c'est. On fait souvent mettre dans l'eau. Oui. Le poisson entre. Pour entrer, c'est facile. Oui, pour sortir, il peut plus sortir. Mais pour sortir, il ne peut plus sortir. C'est comme ça, c'est plongé. Voilà, c'est plongé. C'est la même chose avec l'étude. Oui. L'étude te permet de facilement ancrer. Entrer. Et lorsque tu ancres, ce n'est pas facile maintenant de d'en sortir. D'en sortir. C'est ça le principe dans l'étude. Donc, l'étude biblique. C'est quelque... Moi, je me suis assis encore une fois. Oui. J'ai pris qu'enseigne réellement la Bible. Oui, le livre jaune. Oui. Oui, le livre phare des témoins de Jéhovah. J'ai pris qu'enseigne réellement la Bible. Je me suis mis à étudier bon nombre de doctrines. Oui. Je me suis rendu compte tout simplement que bon nombre de ce qu'ils disent que, ça de ce qu'ils disent que la Bible enseigne n'est qu'une conclusion. C'est-à-dire que je prends un exemple. Une déduction. Une déduction, voilà, oui. C'est ça le mot même. Oui. Une déduction, ce n'est qu'une déduction d'une analyse faite. Oui. On déduit seulement. Donc en réalité, ce n'est pas cancer réellement la Bible. Voilà, c'est un peu ça. Parce que quelqu'un se cancer réellement, on doit donner les preuves irréfutables. Irréfutables. Donc, c'est. Et quand tu vas commencer doucement, tu ne vas pas voir les pièges qui sont à l'intérieur. Et une chose aussi également que je peux conseiller à quelqu'un qui étudie la Bible avec un témoin de Jéhovah, c'est de lire. Pas la traduction du monde nouveau, mais d'utiliser sa propre traduction, et lorsqu'il pas seulement une seule traduction, qu'il prend même deux ou trois autres traductions quand il étudie la Bible. Oui, mais là, quand il va comparer et comprendre qu'effectivement, que ici par exemple, si on prend nom Jéhovah qui apparaît partout, et même dans l'écriture grecque, dans ce grec, alors que dans l'origine ça ne se trouve pas, ils auront forcément des problèmes, et là ça va créer séparation. Mais quand je parle, mon problème, c'est que ça crée séparation. Il comprend le danger qu'il y a. Donc, en clair, il faut pas que les gens étudient avec le témoin. Non, il ne faut pas que les gens étudient. Ce n'est pas une question de phobie, c'est une question de pour sauver leur vie. De sauver leur vie. Donc, ça veut dire que c'est dangereux d'étudier avec le témoin. C'est dangereux. Parce qu'ils vont te mettre dans un piège où tu ne pourras pas t'en sortir. Effectivement, c'est très dangereux. Moi, j'ai étudié avec beaucoup de personnes. j'ai conduit l'étude avec les gens. Mais avec le recul, je regrette pourquoi j'ai conduit l'étude. Et là maintenant, si ce que tu as enseigné et peut-être entraîné, tu vas suivre ton témoignage maintenant. Et que il entend que c'est toi qui les as amenés là-bas, qu'est-ce que tu leur donnes comme conseil? C'est que déjà que un, c'est si ils m'écoutent, ce que je peux leur donner comme conseil, c'est tout simplement d'étudier la personne qui est Christ. Ce n'est pas qu'ils suivent mon conseil, non. Qu'ils rentrent dans la Bible, ils étudient qui est Christ. Par eux-mêmes. Par eux-mêmes. Qui n'acceptent plus c'est ce qu'on dit des plaques pennsylvaniennes. Qui se sentait libre d'aller faire les recherches sur la Watchtower, sur le net. Sur le net. Qui se sentait libre, qui se sentait libre de faire les recherches n'importe où. Qui ne se focalise pas seulement sur l'interdit selon laquelle ils ne vont pas ailleurs. Je prends un exemple très concret. Quand moi j'étais par exemple dans l'organisation, il y a une chose selon laquelle. Les gens qui parlaient mal de l'organisation, pour moi, je les taxais des anciens démons qui sont devenus apostats. Mais lorsque je me suis mise à chercher ailleurs, je me suis rendu compte qu'il y a des gens qui n'ont jamais été chez moi, mais qui commentent des choses à l'intérieur. À l'intérieur. Mais si tu lui dis même un ancien, il va te dire qu'un ancien c'est qui. Mais il te commente les choses. C'est vrai. Ce qui est vrai. Ce qui fait que. Quand un témoin entend, il va dire oh ça c'est un ancien témoin. Non. Il ne faut pas qu'il suive ça, parce que il y a une chose qui est très importante. Si on vend même la planète Terre, ça ne peut pas acheter ton âme, et ça ne sert à rien de te focaliser pieds et ongles vers un homme et lui donner ton âme comme ça gratuitement. Mais c'est ça, il faut le faire. Mieux vaut prendre le risque de faire les recherches partout. Parce que il est bien. On dit souvent que quand tu vas faire. Déjà, s'il te plaît, quels sont les différents arguments que vos anciens et la Watch Tower utilisent pour dissuader les gens d'aller chercher ailleurs? Qu'est-ce que vous dites aux gens? Premièrement, il faut comprendre. Pour moi, ça n'a pas été facile d'aller chercher ailleurs. Oui. Je ne sais pas ce qui m'a franchement poussé. Parce qu'on t'a eu les forteresses. C'est psychologique. Mais qu'est-ce qu'ils disent? Qu'est-ce qu'eux disent? En assemblée, par exemple, vous réunissez dans différents groupes de réunions. Qu'est-ce qu'ils vous disent pour que quand tu restes chez toi, tu puisses appliquer cela bêtement? Qu'est-ce qu'ils disent? La chose qu'ils disent d'abord, premièrement, c'est que. Vous êtes le peuple de Jéhovah. Le peuple élu. On met le peuple de Jéhovah, puisqu'il faut d'abord partir sur les preuves bibliques pour revenir à la surface. Preuves bibliques, c'est que quoi? Tant que Israël obéissait aux instructions de Moïse, qui était la personne que le dirigeant choisissait, l'esclave, et ils étaient sans problème, ils étaient protégés. Quand Korah est venu monter la rébellion, ce qui s'est passé, c'est qu'on a détruit tout ce qui était derrière Korah. Et voilà donc pourquoi est-ce qu'il dit qu'il faut faire confiance à l'esclave. Donc, c'est juste cette analogie là pour dire donc maintenant que vous n'avez pas intérêt à faire comme les Corées. Voilà, comme ceux qui ont suivi Corée. Oui, il faut. Et non seulement ça, il faut comprendre aussi également une chose, c'est que c'est pas tout le monde qui ont suivi Corée. Parce que quand on lit Somme, il y a même ses enfants ont écrit des Sommes. Donc, on peut dire que c'est, même si c'est dans la même famille, même si c'est ton père qui commence à dire, il faut quitter. Non, ne lui suis pas. Il faut quitter. Et par conséquent, dans une même famille, un papa est témoin de Jéhovah, sa maman n'est pas, sa femme n'est pas témoin de Jéhovah, il ne se parle pas. Il y a division. N'est-ce pas terrible là? C'est psychologique, frère. On va faire comment? C'est psychologique. Moi, je ne parle pas à ma grande soeur. Je parle long pour chercher quoi. Et vous êtes ensemble? Vous rencontrez comme non, ça? Oui. Hier, comme je suis venu sur Douala, hier, j'étais chez elle. Non, pas de bonjour, pas de bonsoir. Je suis fatigué parce que quand il vient souvent, elle disait souvent bonsoir, bonsoir. Oui. Elle ne répondait pas. Oui. Bon, même, elle vient seulement, moi, je fais tout ce que j'ai à faire avec les enfants et puis après, je rentre. Oui. Mais si elle franchit la barrière en te disant bon santé, en communion avec toi, qu'est-ce qu'on va et que la nouvelle arrive à son assemblée, qu'est-ce qu'on va dire? On va la blâmer. Ça, c'est donc on donne les blâmes et puis si elle continue, on laisse communier aussi. On laisse communier. Donc elle est le groupe des apostats. Oui, c'est comme ça, elle a communion avec un apostat. Oui, nous sommes donc au niveau de comment est-ce qu'on essaie de faire, de vous mettre en voilà, tête. Voilà d'abord un des principes. Oui. C'est-à-dire les principes spirituels. Oui. On remonte maintenant donc à la surface. Oui. Pareil, et également. Et il y a le fait également que lorsque Israël était encore sur le désert, il y a celui-là, je crois que c'est Balaam qui a dit qu'il faut qu'on les incite à commettre la fornication avec les filles. Oui, Balaam. Et elles ont commis la fornication et c'est l'autre, c'est un là qui a pris la nécessité d'aller tuer, mais c'est Zimri. Non, fini. Philippe qui est parti. Finé. Qui a pris la responsabilité d'aller tuer celui qui est ancré avec une tante avec Manzanet. Voilà. des temps d'illustration montrent que le peuple doit être sanctifié. Il ne faut pas aller chercher ailleurs. Et si tu vas chercher ailleurs, ceux qui vont t'enseigner vont te faire perdre ta foi. Ils vont faire, tu vas perdre le monde nouveau. Il va te faire perdre le monde nouveau et par conséquent. Exactement comme Dieu demandait à Israël de ne pas aller se marier avec le peuple étranger. Effectivement. Ils prennent tous ces exemples-là. Tous ces exemples. Parce qu'en réalité, le témoin de Jéhovah va se substituer au peuple d'Israël. Littéralement. Littéralement. Dieu a rejeté Israël. Israël, oui. Et maintenant, Israël physique. Israël physique. Et c'est le peuple de Dieu maintenant. Et oui, Israël spirituel. Lui représente Israël sur la terre. Oui, Israël spirituel. Oui. Donc, c'est ça. Voilà. Il y a plusieurs. Il y a, et non seulement ça. Il y a une autre arme de destruction, les images. Oui. C'est-à-dire, il y a les publications où tu vois, on te met l'image d'un parent, par exemple, qui peut faire par exemple comme un enfant qui peut faire comme ceci. À son père. À son père. Et ça joue psychologiquement. Ça joue psychologiquement. Donc je dis non à papa dans ces cas-là. Oui, dans ces cas-ci. Tu vois un peu. Oui. Ou bien peut-être le père, ou bien peut-être l'enfant, deux amis, l'autre a les écrits d'une autre, organisation. D'une autre organisation. Et puis l'autre, lui, il met un peu la main comme ceci. Que je veux pas ça. Non, je veux pas ça. Ça joue dans la tête. On vous fait passer ce témoignage après ça défile. Oui, ça joue dans la tête. Ce sont des choses comme ça qui font que ça reste. Mais quelle a été la barrière? Quel a été le déclic du fait que toi tu es allé chercher ailleurs? Qu'est-ce qui s'est passé au juste? Pourquoi tu pars chercher ailleurs en obstant toutes ces barrières-là? Ce qui fait que je m'en vais chercher ailleurs, c'est que j'ai senti que j'ai un problème. Ok. C'est ça mon problème. Donc c'est la recherche de ça, la solution à ton problème qui t'a conduit ici. Oui, parce que quand je suis allé voir les anciens m'ont fait comprendre que, bref, la solution qu'eux m'ont donnée, ça ne résout pas le problème. Ça n'a pas résolu. Ils ne sont même pas entrés dans le fond de mon problème. Puisque j'ai essayé de toutes mes forces pour leur dire que j'ai un sérieux problème ici. Eux n'ont pas compris. C'est en allant maintenant chercher la solution à mes problèmes que je m'en vais, je vagabonde partout, je vagabonde. Puisque j'ai parcouru toutes les publications qui parlaient de la possession. Je n'ai pas vu de solution. Rien. Donc c'est comme ça que je m'en vais, donc je me balade comme ça. Et bon, je peux dire Dieu merci vraiment. Je suis tombé. Amen. Je lui rends grâce. Bienvenue. Donc que le Seigneur te bénisse. La délivrance aura certainement lieu parce que Jésus-Christ est venu libérer les captifs. D'accord? Jésus-Christ est venu libérer les captifs. Vous serez libérés. Et vous saurez donc que Jésus-Christ est un Seigneur. D'accord? Ne craignez pas. Que le Seigneur vous bénisse. Merci. Donc, maintenant, les gens de la Watch Tower vont écouter ceci, même sur Internet, même sur partout où ils se trouvent, quel qu'en soit l'endroit sur la terre où les gens sont tournés. Vous regrettez d'avoir dit les vérités sur les témoins de Jéhovah? Ouais, ça, c'est un soulagement. J'ai dit une chose, vous m'avez coupé. Oui. Lorsque je suis sorti, que j'ai constaté toutes ces choses-là. Oui. Moi, j'ai voulu commencer à aller, acheter l'interphone. Oui. Pour aller me mettre devant les salles de royaume. Pour commencer à parler. Oui, sincèrement. Et qu'est-ce que tu devais lui dire là, devant les salles de royaume? Mais que Jéhovah n'est pas Dieu. Qu'il a eux-mêmes regardé. Oui, j'ai voulu faire ça. Ok, dis à tous les témoins qui t'écoutent maintenant, alors dis-le. Non, j'ai voulu faire ça. Ce qui m'a retenu, c'est quoi? C'est qu'entre temps, ce qui m'a retenu pour ne pas le faire, c'est que. Je sais pas qu'est-ce. Oui, il fallait d'abord que je puisse d'abord vraiment m'imprégner de la nouvelle doctrine. De la nouvelle doctrine. De la doctrine réelle du Seigneur Jésus. Voilà. Pour savoir de quoi elle est équipée, pour savoir comment te défendre. Voilà, de savoir comment me défendre. Et là, ça me pousse à poser la question. Je voulais conclure votre témoignage et là, tu m'as encore relancé. Je me pousse encore pour conclure. Depuis que tu es sorti, donc, as-tu encore eu un témoin de Jéhovah en face? Peut-être qu'il vient t'annoncer, ne sachant pas que tu es témoin de Jéhovah. Je n'ai pas eu un témoin de Jéhovah en face, mais je suis allé vers eux. Je suis allé vers certains et lorsque j'étais allé vers une dame, quand tu expliques, il ne comprend rien. Il ne comprend pas. Il ne comprend même pas. C'est pour lui, c'est. Si il lit ce que l'organisation dit ici, hein, prend la Bible, ici c'est le comment raisonner. Ou... Quand il suit d'un sujet, tu crois comment raisonner, c'est quelle page tu vas aller chercher. Justement. Parce que toutes les questions sont là derrière. Oui, c'est là derrière. Il connaît où tu vas, ce que tu vas aller faire. Ce qui fait que. Comme moi, j'ai été aussi dans le copier-coller, ça fonctionne toujours avec eux, le copier-coller. Et ce qui m'avait retenu que je ne prenne pas l'interfaut, il y avait non seulement qu'il fallait que je m'imprègne la doctrine, et aussi le fait que ce sont des choses spirituelles. Or, pour combattre les choses spirituelles, d'abord qu'on peut dire que ce n'est pas la chair avec le sang que nous devons combattre. Qu'est-ce qui me rassure même quand il va aller même commencer à parler? Puisque quand j'ai commencé un peu à croire ma connaissance, qu'est-ce qui me rassure que quand il va aller parler là, ils vont même comprendre? Est-ce que je suis même à la place que Dieu voudrait que je puisse vraiment faire quelque chose par rapport à ça? Voilà. C'est ce qui a fait que je puisse freiner un peu. Et là, donc, ça donne la question que tu avais dans ton esprit. Saint-Esprit, c'est quoi ton appel? Voilà, exactement. Mmh. Puisque je m'étais posé la question à Dieu, mais si, tu dois appeler à faire quoi? Je suis appelé à faire quoi? Mmh. Je suis sorti là-bas, pourquoi? Mmh. Les années que j'ai passées là-bas, j'ai sincèrement que j'ai eu mal, j'ai pleuré une nuit. Hein. Pourquoi? Quand j'ai vu... Parce que tu as tout le temps perdu. Tout, non seulement tout le temps perdu, mais tous ses frères, ce sont les gens qui les aiment. Mmh. Tous ces frères qui ça sont faisait mal qui sont dans les ténèbres comme oui, ça. Mais hier, tu les fais comprendre, ils ne peuvent pas comprendre. Non, ils ne peuvent pas comprendre. Hier, c'est m'a dit qu'il y a un frère qui a pris le service de pionnier permanent. Le pionnier permanent, c'est les heures de prédication qui va sortir chaque jour. Chaque jour. Et tout ça après le travail. Et tout ça dans ils sont comme ça, pour finir, si vous meurent comme ça, c'est l'enfer. C'est dans zéro. C'est dans haut, totalement. Comment est-ce qu'on va faire? Moi, il m'a dit que si j'étais prêt, c'est que même si ils vont m'insulter n'importe comment, ça ne m'a rien compris que non, ce n'est pas comme ça qu'on fonctionne en temps dans la crise. Donc, après ta délivrance, on va voir quelle est la direction du Seigneur, que le Seigneur veut pour toi, d'accord? Okay. Que le Seigneur vous bénisse. Merci. Que le Seigneur vous bénisse. J'étais témoin de Jéhovah. Tu as bien fait de témoigner. Mais j'aurais voulu que tu sois enfant de Dieu. Que le sort.